Ouais. Ah, tu sais quoi, faut oser dans la vie. Rien à perdre. Sortir de sa zone de confort, c'est là que ça devient intéressant. Vas-y, envoie le beat. Ok, here we go. C'est le genre de flow que j'aime sortir avec les potos. Quand je fais ça en impro, ils font pa pa pa. C'est le genre de flow où je n'ai pas besoin de micro. Non, pour faire ça comme un pro, ça fait pa pa pa. 4h du matin, c'est là que je fais les meilleurs freestyles avec les frangins. C'est pour ça que je ne lâche rien. Je regarde le ciel, on fait tourner les tailles, tous les petits détails. Inspire mes rimes, mais ça se passe bien. J'ai toujours rêvé de mettre un flow comme celui-là. Mais dans ma tête, c'est comme le gang VS Godzilla. Y'a toujours les opposés qui viennent de se poser dans son coin de ma tête. Et c'est vrai que ça fout le bordel. Mais c'est décidé sur ce CD. Je ne vais pas laisser décéder mes idées. Ouais, car la vie est mortelle. Personne ne sait de quoi demain est fait. Je m'a dit si t'étais pas là, c'est que t'as vu la fée. Sans la folie, la vie n'a pas d'effet. Tous les jours, on court avec les lacets des fées. Sortir les mains des poches, assurer ses arrières. Je ne veux pas vivre en regardant derrière. Mais comme si chaque journée était la dernière. Pas le temps pour les regrets, crois en toi, mon frère. Pas le temps pour les regrets, crois en toi, ma sœur. Un échec est une victoire. Allez, ciao les peurs. Si on te juge, alors vite pas. J'ai pas honte des pleurs. Personne n'a le droit de prendre l'espoir et la joie d'un enfant pour l'enterrer. Je finis ce couplet avec le plus important, crois enterrer. Dis-moi, qu'est-ce qu'on risque? Je préfère vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on rit? Au fond, dis-moi, qu'est-ce qu'on risque? Je préfère vivre comme ça. Oui, c'est le plus risqué de ne pas prendre de risque, car ta vie sera figée. C'est le plus risqué de ne pas prendre de risque, car ta vie sera figée. Bordel, mais je kiffe ce genre de vie. J'ai l'impression que ma journée commence à minuit. C'est à ce moment-là que j'ai le max d'inspi. C'est à ce moment-là que je taffe mon style. Fais péter l'instrumental, fais péter la guitare. Même si les voix arrachent, j'ai un moment mental, on verra plus tard. C'est vrai qu'on me dit des vies, choisis ton style. Mais tu sais, moi dans ma vie, c'est moi qui écris mon film. Y'a aucun réel qui viendra m'imposer mon scénario. Moi, c'est l'amour depuis le début qui guide mes pas. Vivre à travers le regard des autres, mais ils ne sont jamais là quand t'as besoin de force, mais écoute même pas. Savoir s'entourer de gens qui te tirent vers le haut, ça fait longtemps que j'ai abandonné les jaloux. J'avoue que ce n'est pas facile de prendre du recul avec les réseaux. On met des likes et des cœurs partout, mais où est l'amour? On a tous besoin de reconnaissance depuis la naissance, c'est l'essence qui nous anime, ne faut pas l'oublier. Mais le bonheur ne peut pas dépendre d'un nombre de likes ou de vues sur un post qu'on a publié. C'est la réalité qui nous nourrit tous les jours. Le bonheur est devant soi, il n'est pas devant un écran. J'ai beaucoup d'amis qui sont en haut de l'affiche alors qu'à l'école ils étaient assis au dernier rang. Personne n'a le droit de prendre l'espoir et la joie d'un enfant par un. Je finis ce couplet avec le plus important, crois en vrai. Dis-moi, qu'est-ce qu'on risque? Je préfère vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on rit? Au fond, dis-moi, qu'est-ce qu'on risque? Je préfère vivre comme ça. Oui, c'est le plus risqué de ne pas prendre de risque, car ta vie sera figée. C'est le plus risqué de ne pas prendre de risque, car ta vie sera figée.